RCF. Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré. Amis auditeurs de Dialogue sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un prêtre salésien de Don Bosco, un éducateur au service de la jeunesse qu'il côtoie quotidiennement dans le collège qu'il dirige, ainsi que sur les réseaux sociaux sur lesquels il compte pas moins de 13 000 abonnés. À l'écoute des jeunes, de leur joie et de leur détresse, il cherche, dans un langage moderne, à leur ouvrir un chemin vers la vraie vie. Il le fait notamment récemment dans un livre intitulé « L'espoir est une force, petit manuel pour trouver la force quand tout va mal », publié chez Arthège le CNV. Frère Benjamin, bonjour. Bien le bonjour. Alors, est-ce que, pour poser un peu le cadre, est-ce que la proportion des jeunes qui vont mal jusqu'à avoir des pensées suicidaires est, à votre avis, en ce moment, dans notre contexte ô combien troublé, en augmentation? Alors, il y a des récentes études, effectivement, qui le démontrent. Surtout, on commence à envisager vraiment un effet Covid. En revanche, il n'y a pas eu de dénombrement récent du nombre de suicides qui est peut-être, lui, à peu près toujours le même depuis des décennies, hein, c'est-à-dire entre 8 et 10 000, voilà, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, en tout cas, on a, si ce n'est des suicides, ni même des tentatives de suicide, on a vraiment de plus en plus de jeunes qui se déclarent être en mal-être, ouais. Alors, votre plaidoyer introductif, lui, il ne va pas par quatre chemins, puisque vous affirmez que derrière un désir de mort se cache un désir de vivre, et de vivre une vraie vie. Alors, qu'est-ce qui vous permet de le dire? C'est assez radical comme vision de situation si désespérante. Oui. Moi, j'ai toujours constaté dans les jeunes que j'accompagnais qui étaient touchés par cette problématique, ou moi-même, quand j'ai été touché aussi par cette problématique quand j'étais ado, ayant eu une vie qui m'a conduit un peu à ces états d'âme, notamment l'adolescence, je m'aperçois qu'en réalité, en creusant un peu, on voyait bien une rage de vivre, mais une insatisfaction profonde de la vie telle qu'elle se présentait, des mauvaises représentations qu'on a de soi-même, en imaginant vraiment qu'on est le dernier des derniers, vraiment raté ou non désiré, ou voilà. Enfin, donc il y avait un peu derrière toutes ces pensées extrêmement négatives de but en blanc, en vérité il y avait une espèce de recherche de vraie vie, quoi, d'authenticité, de vivre plus intensément et plus vraiment, plus en vérité les choses aussi. Quel est le poids de votre expérience personnelle? Vous venez de l'aborder là en quelques mots allusifs, mais vous y faites souvent référence, c'est-à-dire que pour les jeunes, il y a une forme de crédibilité à tout ce que vous dites parce que vous êtes un être qui est passé par ces états de grande déprime, de grande désespérance. Oui. Je pense que moi-même, ce qui m'a tenu quand j'étais jeune, c'était d'avoir sur ma route des témoignages de gens qui revenaient de loin et qui pourtant étaient, en tout cas apparemment, mais enfin plus qu'apparemment, étaient épanouis, heureux, joyeux, vraiment à leur tour au service des autres, etc. Donc j'ose m'inscrire un petit peu dans cette idée que on a besoin de témoins, on a besoin de gens qui sont passés par là et qui sont heureux désormais pour nous dire « Ah bah tiens, si c'est possible pour lui, c'est peut-être possible pour moi. » En tout cas, ce qui vous concerne, on sent que vous vivez votre meilleure vie. Hein. C'est ça que vous... fameuse « best life » pour témoigner. Oui. Puis être prêtre, c'est tellement merveilleux. Vous parlez de la souffrance comme étant, paradoxalement, un moyen de pousser les jeunes à travailler sur eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai, ça? Il faut de la souffrance pour arriver à faire ce sursaut de travail sur soi-même. Mais c'est là, à un moment donné du livre, j'explique la souffrance un peu. C'est le parallèle avec la douleur physique. Hein, donc on dit la douleur est une information. En fait, la douleur, les symptômes nous informent de quelque chose. Et puis Alors, des fois, on trouve soi-même ce qui ne va pas, mais des fois, on va chez le médecin, on lui présente des symptômes et on va du coup analyser la situation et faire un diagnostic et à partir de là, pouvoir envisager un chemin de santé, quoi, un chemin de rémission. Donc, c'est un peu pareil pour la souffrance qui vient indiquer, qui vient être source de vérité. Elle vient être un agent révélateur de choses qui, tôt ou tard, de toute façon, il faut se coltiner. Donc, c'est pour ça que je ne la vois pas que d'une façon négative, au contraire, comme quelque chose à écouter absolument. Et vous avez désigné très tôt dans votre réflexion l'ennemi à abattre, c'est-à-dire le moi-je d'abord dictateur. Ah oui. Alors, c'est vrai, je développe un peu ce chapitre pour bien aider à distinguer la différence qu'il y a entre vraiment savoir apprendre à s'écouter, apprendre à entendre ce qui se joue en nous, ce qui se trame en nous. Et entendre ne signifie pas toujours obéir à toutes les impulsions de notre moi-je intérieur, qu'on va dire. J'explique qu'il y a toute une réflexion sur la liberté qui n'est certainement pas je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais davantage, parce que sinon le risque c'est de devenir esclave de ce je, de ce moi-je, et ça ne nous épanouit pas du tout. Donc je montre une autre façon de penser la liberté pour se rendre compte que c'est pas parce que je suis pris dans certaines émotions, etc., que je dois m'y soumettre. Il y a des fois, il y a des choses à dépasser. Voilà, bon, c'est un peu fou, mais il faudrait lire le livre. D'ailleurs, au s'aimer soi-même, qui est un peu la doxa environnante, vous préférez se laisser aimer et sans doute se laisser aimer d'abord par le Christ? Oui, c'est vrai que je me souviens avoir vécu un petit peu, mais pas que, avoir entendu des jeunes être un peu déçus et dégoûtés de se dire, mais moi, de toute façon, j'arrive pas à m'aimer, quoi. Et peu à peu, je me suis dit, mais qui leur a demandé de s'aimer, en fait? De toute façon, c'est pas ça la question. Même dans la Bible, quand on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, c'est comme toi-même, c'est, si on analyse bien l'étymologie, c'est en tant qu'il est un autre toi-même, pas que tu t'aimeras toi aussi. Tu aimeras ton prochain en tant qu'il est un autre toi-même. Autrement dit, on n'a pas de commandement à s'aimer soi. L'amour est toujours altérité. Sinon, il n'y aurait pas de Trinité qui est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu est amour. C'est qu'il y a une circulation, une altérité. Voilà, donc tout ça pour dire que je trouve ça réconciliant de se dire qu'il ne s'agit pas de m'aimer, il s'agit de me laisser aimer, de permettre à l'autre de m'aimer et d'accepter que je suis aimable. Je suis digne d'être aimé. Voilà, donc c'est une petite nuance qui a l'air de rien, mais qui, je trouve, un peu décomplexe. Les choses. Chez les jeunes qui vont mal, et on s'en aperçoit souvent a posteriori et donc trop tard, il y a cette attitude introvertie, ce qui fait que la relation aux autres a été bloquée. Qu'est-ce qui suscite le plus souvent, d'après vos observations et tous ces jeunes que vous côtoyez, qu'est-ce qui suscite ce repli sur soi-même? Ah. Mais en fait, on retrouve un peu les postures psychologiques qu'on retrouve chez le règne animal. Finalement, quand il se sent en danger dans le règne animal, on a ceux qui fuient, on a ceux qui se prostrent, enfin qui, je sais pas comment, qui s'immobilisent. Et puis il y a ceux qui attaquent en retour. Voilà. Si on voit un peu chez les adolescents, c'est différent. Enfin, chez les jeunes et chez tout le monde d'ailleurs, c'est différentes postures qui à la base, et c'est toujours le même problème. C'est la question alors du manque d'amour avéré ou ressenti comme tel. Donc parce que il n'y a pas plus insécurisant que le manque d'amour et puis le manque de cadre aussi. Voilà. Je développe pas forcément plus que ça. Quoique, si j'en parle aussi, je crois. Mais enfin voilà, dès lors qu'il y a des manques, ça génère ce genre de soit d'enfermement, soit, comme vous venez d'évoquer, soit de fuite, soit d'agressivité. Vous êtes un témoin du Christ qui ose, j'ai envie de dire. Pour ceux qui iront découvrir un peu votre production sur Internet, ils découvriront une belle gueule, un homme dans son temps, dans son siècle, j'allais dire, qui chante, qui produit des contenus sur Internet. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Comment vous touchez les cœurs? Vous sentez que les jeunes sont attirés par ce que vous leur proposez, par l'image que vous leur donnez de la foi, de la religion, de la prêtrise et à travers vous du Christ? Écoutez, si vous le dites, moi je sais, je m'en rends pas trop compte. Vous sentez qu'il y a un écho en tout cas? Oui, En fait, je m'attends. Ouais, je serais pas bien vous répondre. Vraiment, je fais pas trop attention. Je fais ce que j'essaie de faire la volonté de Dieu. C'est tout. Il y a que ça qui m'intéresse. Donc, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est forcément de l'annoncer, quoi, de prêcher. Donc, j'utilise les moyens d'aujourd'hui, tout simplement, quoi. Il n'y a rien de bien. Voilà. Alors, c'est vrai que je traîne toujours au milieu des jeunes. Je suis toujours au milieu, au service des jeunes. Donc, j'ai une façon de parler qui peut-être, d'après ce que les retours que j'en ai, qui est moins déconnectée selon un certain nombre de gens. En tout cas, les gens un peu loin de l'église, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, hein, je ne cherche pas spécialement à parler à des cathos déjà bien formés, quoi. J'essaie de rendre accessible et d'être le plus simple, et puis dans un parler nature peinture, j'ai envie de dire, comme je l'ai avec les jeunes, et comme j'ai envie de dire, faut être avec les jeunes, c'est-à-dire assez vrai, quoi, c'est franc du collier. Et donc, bon, bah, ça, c'est ce style-là, apparemment. Plaît, mais enfin plaît pour l'instant, et puis C'est c'est pas à de la voir dans séduction. quelques années. Hein. Quelles sont vos raisons d'espérer, frère Benjamin, pour les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous Ah. tient éveillé? Alors, c'est pas difficile, il y a vraiment une attraction divine. Alors, oui, c'est pas mal de dire comme ça, tiens, une attraction divine, c'est-à-dire Dieu les attire et ils sont attirés. Voilà. Donc, on constate un mouvement d'attraction des jeunes pour Dieu. Il suffit de le présenter, et il suffit de leur faire rentrer de leur faire goûter de la prière. Enfin, il faut leur faire découvrir la prière, en fait. L'union à Dieu, et c'est incroyable comme son demandeur. Merci. Alors, frère Benjamin, je rappelle que vous êtes prêtre salésien de Don Bosco et que vous venez de publier L'espoir est une force, petit manuel pour trouver la force quand tout va mal. C'est publié chez Arthège Le Cenvé, que c'est un livre pour les jeunes, mais c'est aussi un livre pour des éducateurs et encore plus pour des parents. Merci à vous. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.